C'est le moment de la méthode scientifique avec vous, Nicolas Martin. Bonjour. Bonjour Mathieu. Vous vous demandez aujourd'hui s'il y a d'ores et déjà davantage de robots que d'humains sur Internet. Et moi-même, suis-je un robot ou suis-je encore un être humain? On ne sait pas. Mais non, moi-même, je ne le sais pas. Peut-être que je suis programmé. Bon, on verra ça plus tard. À demain. Depuis quelques mois, voire quelques années, selon les études, il y aurait sur Internet plus de robots que d'êtres humains. Des programmes ou des algorithmes qui parcourent la toile, certains avec des intentions louables comme la recension des sites pour les moteurs de recherche, d'autres beaucoup moins. Ces myriades de robots ou botnets peuvent être cachés dans des ordinateurs, dans des serveurs infectés, mais aussi dans vos objets connectés, frigidaires, aspirateurs, caméras, et se réveiller à la manière d'une armée de zombies pour effectuer des attaques informatiques de grande ampleur ou des campagnes de spam, de fake news. Les botnets sont de facto la première espèce indigène du cyberespace. Internet, l'ère des robots, c'est le programme malveillant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous accompagner dans cette plongée, dans cet univers d'élevage de robots et de fausses identités virtuelles, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Éric Fraissinet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de mission numérique de la Gendarmerie nationale et docteur en informatique. Et Jean-Yves Marion, bonjour. Bonjour. Professeur à l'Université de Lorraine, membre de l'Institut universitaire de France. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour sur les ondes en différé, ça commence bien, sur franceculture.fr ou en podcast via votre application préférée, comme d'habitude sur Twitter, surtout si vous n'êtes pas un robot, en vous abonnant au compte @laméthodeFC. Alors, une des plus spectaculaires attaques de botnet remonte peut-être à il y a 2 ans et demi. C'était le 21 octobre 2016. Plusieurs géants d'Internet tombent sur l'attaque en déni de service de l'entreprise DIN qui gère le routage des serveurs vers les adresses en nom de domaine type .com, .net et .fr. Écoutez cette archive issue du journal de France Inter. PayPal, Twitter, Amazon, Spotify, quelques-unes des plus grandes compagnies du web victimes d'une cyberattaque ce week-end. C'est un peu l'arroseur arrosé. Aucune de ces enseignes n'était directement visée. Les pirates en voulaient à la société DIN qui gère les noms de domaines sur Internet. Attaque lancée dans l'Est des États-Unis avant de se répandre à l'Europe. Julien Baldacchino. Les pirates à l'origine de cette attaque ont frappé fort. Il a fallu plus d'une demi-journée hier aux équipes de l'entreprise DIN pour neutraliser totalement le danger. Pourtant, à la base, le principe est simple. Il s'agit de surcharger les serveurs ciblés en les inondant de requêtes. Un peu comme si on faisait croire à un site internet que des millions de personnes s'y connectent en même temps. On parle d'attaque par déni de service. Ces pratiques sont assez courantes. Elles s'appuient en général sur des ordinateurs piratés. Mais pour obtenir une telle puissance de frappe, les auteurs de l'attaque sont passés par des objets connectés, beaucoup moins bien sécurisé qu'un ordinateur et de plus en plus nombreux. Des pèse-personnes ou des machines à café ont donc peut-être participé à l'attaque. Reste à savoir qui en est l'auteur. Pour plusieurs experts, une offensive d'une telle ampleur ne peut venir que d'un État. Ce pourrait être une réponse à la privation d'Internet dont est victime depuis plusieurs jours Julian Assange, le fondateur du site Wikileaks. Voilà, alors beaucoup de spéculations. Il s'avérait que vraisemblablement ça n'avait rien à voir avec Julian Assange, cette attaque de l'entreprise DIN par le botnet qu'on appelle Mirai. Peut-être une réaction l'un et l'autre, Éric Fraissinet, à cette archive. Oui, dans ce qui est cité, on parle d'objets connectés. C'était essentiellement des caméras, a priori, puisque c'est une grosse partie, ces caméras de surveillance, des objets qui sont connectés sur Internet pour permettre leur capture à distance. Observer à distance ce qui se passe dans les lieux qu'on surveille. Et malheureusement, c'est des objets qui sont mal sécurisés. Et encore aujourd'hui, beaucoup de ce qu'on achète de ce type-là n'est pas bien sécurisé. Et on y reviendra tout à l'heure pour les questions effectivement de prévention et d'Internet des objets. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Jean-Yves Marion, ce 21 octobre 2016 ? L'attaque Mirai, c'est une attaque intéressante. C'est une attaque que, on pourrait utiliser une méthode scientifique pour l'analyser et la décortiquer. Donc effectivement, on a une attaque sur des caméras, des objets connectés essentiellement. Donc chacune de ces caméras a été compromise, c'est-à-dire qu'il y a un code malveillant qui a été mis dans cette caméra. Et puis tout ça, ça fonctionne ensemble à l'intérieur de ce qu'on va appeler un botnet, qu'on va définir dans un instant, pour saturer un serveur. Ici, l'entreprise Dyn, mais il y a aussi d'autres attaques, une attaque sur OVH. Donc là, c'est pour bloquer des fournisseurs d'accès à Internet. Et puis aussi, un autre objectif qui est aussi, c'était de bloquer certains blogs dont les opinions visiblement déplaisaient à ceux qui faisaient cette attaque. Donc, en tout cas, voilà, un fond toujours de malveillance politique, économique. Ces attaques sont évidemment toujours ciblées à dessein. Eric Fraissinet, c'est facile de remonter à la source de ce type d'attaque par déni de service extrêmement massive ? Alors, pas forcément, puisque la source de l'attaque elle-même, physiquement, depuis les objets connectés, on la comprend assez vite. Les commanditaires qui sont derrière, les personnes qui ont déployé le logiciel malveillant, ça prend beaucoup plus de temps. Les paramètres qui permettent de comprendre ça, c'est les motivations, comme l'expliquait Jean-Yves Marion, mais aussi les traces techniques qu'on va retrouver dans le logiciel lui-même, dans les serveurs qui les pilotent. Et donc, c'est tout ce travail que font à la fois les chercheurs et les enquêteurs. On entendait dans ce document, dans ce reportage de France Inter, cette espèce de spectre de l'Internet des objets, c'est-à-dire des objets connectés, de mon aspirateur qui d'un seul coup se lèverait comme une sorte d'armée de zombies mondiales qui d'un seul coup serait mobilisée par un code malveillant pour diriger des attaques vers un site. C'est une réalité ou c'est un fantasme, Jean-Yves Marion ? Dit comme ça, on va dire que c'est encore un fantasme. Maintenant, il y a une réalité qui est derrière. C'est qu'il faut comprendre que chacun de ces objets connectés sont interconnectés. C'est-à-dire qu'ils sont connectés les uns aux autres et ils sont aussi connectés à nos réseaux informatiques, mais également à différents systèmes d'information, aux infrastructures, aux réseaux ferroviaires et ainsi de suite. Ce qui signifie qu'une brèche faite par une attaque sur une caméra peut avoir des conséquences importantes sur le reste d'un réseau plus important si celui-ci est mal sécurisé. Éric Fraissinet. Ils sont intéressants, ces objets connectés, parce que contrairement aux ordinateurs à la maison, ils sont en général ou très souvent accessibles depuis l'extérieur du réseau. L'idée, c'est de pouvoir se connecter à la caméra et de la déclencher. Donc pour les attaquants, c'est des objets intéressants. Ils sont mal sécurisés parce qu'ils coûtent assez peu cher. C'est des systèmes simples qui normalement seraient assez faciles à sécuriser. Hein. C'est sur base d'un système d'exploitation Linux, mais qui ne fait pas l'objet, par exemple, de mises à jour régulières, ou en tout cas pas encore suffisamment de mises à jour. Aujourd'hui, quand même, l'essentiel des botnets qu'on observe cible les machines, les ordinateurs des personnes ou leur téléphone mobile pour récupérer les données dessus, profiter de la puissance de calcul. On n'a pas cette puissance de calcul encore dans une caméra. Jean-Yves Marion. Alors, si on se projette un petit peu dans un futur proche, on peut très bien imaginer que ces objets connectés servent à d'autres attaques. Par exemple, quand on a compromis une caméra, on peut très bien imaginer qu'on modifie le logiciel, par exemple, de reconnaissance de personnes, de telle sorte à masquer le passage de quelqu'un ou de renvoyer de fausses informations. Et on peut voir certaines inquiétudes, par exemple, au Japon, qui est un pays qui va organiser les prochains Jeux Olympiques, face à tous ces objets connectés, savoir lesquels sont intacts, lesquels sont compromis et dans quel sens sont-ils compromis. Peut-être qu'on peut revenir finalement à la source. On parle de botnet. Tout ne relève pas du même type. On parle souvent de ces attaques par déni de service. Mais qu'est-ce que c'est finalement un botnet, Éric Fraissinet? Un robot avec Internet, c'est la contraction de ces deux mots. Mais c'est quoi concrètement? Alors, c'est la mise en réseau de logiciels a priori malveillants, puisque c'est ce dont on parle ici, qui se connecte donc à un système de commande et de contrôle. Et système de commande et de contrôle, ça peut prendre des formes variées. En général, c'est un serveur quelque part sur Internet. Mais de plus en plus souvent, c'est des réseaux pair à pair qui permettent à l'ensemble des bots de communiquer entre eux et d'établir un réseau et d'établir le système de commande et de contrôle, l'infrastructure en fait de pilotage. C'est-à-dire que c'est une sorte de robot virtuel composé de centaines, voire de centaines de milliers de terminaux qui se connectent les uns aux autres pour ensuite avoir une sorte de force de frappe plus forte. C'est cela, Jean-Yves Marion ? Oui, exactement. C'est un réseau qui est composé d'ordinateurs ou d'objets connectés ou de téléphones qui communiquent entre eux. Et généralement, comme l'a dit Eric Fraissinet, il y a un ou plusieurs botmasters, command and control, qui permettent de gérer ce réseau, qui va renvoyer à celui qui possède le réseau différentes informations qui vont être volées ou généralement volées ou piratées. On parle justement de de troupeaux, de bergers, c'est-à-dire que derrière, il y a quelqu'un qui organise ce réseau distribué, Éric Fraissinet ? Alors oui, ça prend différentes formes. Ça peut être une seule personne ou une seule équipe, ou alors ça peut être un système de revente avec différentes personnes qui administrent une partie du réseau, une partie du botnet, parce qu'ils l'ont mis en place, parce qu'ils ont déployé le virus, par exemple, et ils louent ensuite l'infrastructure. Donc on a des architectures assez variées de ces pasteurs. Si les architectures sont assez variées, souvent la méthode de compromission d'un ordinateur ou d'un objet connecté est à peu près toujours la même. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que généralement, on va s'appuyer sur la combinaison de deux méthodes. La première, c'est ce qu'on va appeler des méthodes par ingénierie sociale. Donc on va vous inciter à faire une mauvaise manœuvre ou à cliquer sur un lien Internet sur lequel il ne fallait pas cliquer, ou à insérer une clé USB. Donc c'est ce qu'on appelle les techniques d'ingénierie sociale. Et l'autre, on combine ça avec autre chose qui est le fait que nos systèmes sont vulnérables. Une vulnérabilité, c'est en fait, c'est assez simple à comprendre, c'est un bug. Les bugs, on en a un peu partout, hein, sur tous les logiciels que vous utilisez ou applications. De temps en temps, votre ordinateur s'arrête, il crache. Bon, voilà, c'est un bug. Mais certains de ces bugs, on peut, ce qu'on appelle, les exploiter. C'est-à-dire qu'on va les utiliser de telle sorte à prendre la main sur l'ordinateur. Et donc là, un code malveillant va pouvoir s'infiltrer dans notre système et après, évidemment, on va pouvoir établir l'infection puis l'exploitation via, par exemple, un botnet. Comment, par exemple, mon ordinateur connecté, mon aspirateur connecté ou mon Furby connecté, je ne sais pas, peut être infecté par rejoindre un réseau de botnet, justement, par exemple, Éric Fraissinet, puisque je le connecte moi jamais concrètement à mon Internet. Il est connecté, mais juste pour pouvoir lui envoyer des commandes via mon téléphone portable, quoi. Alors sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, c'est vous qui interagissez. Sur votre téléviseur aussi aujourd'hui, hein, on navigue en réalité sur les chaînes de télévision et sur les réseaux de multidiffusion. Et en réalité, ce sont des pages web. On interagit sur ces systèmes. Donc on va cliquer sur un lien qui va exploiter une faiblesse, comme l'expliquait Jean-Yves, dans le navigateur. Et dans le téléviseur, il y a aussi un navigateur. C'est ce qu'on rencontre aujourd'hui. Dans le cas de Mirai, qu'on évoquait tout à l'heure, c'était, il me semble, un ver qui s'était propagé, c'est-à-dire qui se propage directement de machine en machine. J'expliquais qu'elles étaient accessibles sur Internet, donc contactables. Et donc, une fois qu'une machine est infectée, elle en contacte d'autres et exploite une vulnérabilité dans ce protocole de communication. C'est ce qui peut se passer aussi sur vos réseaux locaux. On pourrait imaginer qu'un aspirateur connecté qui est a priori protégé derrière votre réseau soit vulnérable et une fois qu'une attaque a été réalisée par exemple sur votre ordinateur, ensuite votre aspirateur et d'autres objets chez vous pourraient être concernés. Est-ce que c'est très différent, parce qu'on parle donc de botnet, est-ce que ce serait différent par des agents conversationnels, est-ce que ces botnets, on en parle aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Twitter, je le disais tout à l'heure, on dit qu'il y a beaucoup de bots sur Twitter, est-ce que c'est la même entité, Éric Fraissinet ? Alors, pas exactement. Alors, pour faire le lien un petit peu avec les deux sujets sur les réseaux sociaux, on rencontre des botnets qui utilisent le réseau social comme un moyen de communication. Donc, ils utilisent par exemple un compte de réseau social pour y publier des messages qui sont à destination de tous les bots. Et donc, les bots peuvent facilement lire, comme vous le feriez, les messages qui viennent du délinquant qui les pilote. Ensuite, il y a des pratiques qui consistent à mettre en réseau des comptes légitimes ou des comptes fabriqués par des personnes ou fabriqués de façon automatique et qui se mettent en réseau et qui vont republier le même message au même moment. Donc c'est des sortes de chaînes qui rediffusent la même information. Donc ça c'est semi-automatisé, on va dire. Et ensuite il y a l'autre univers, celui des chatbots, etc. Il y a eu des tentatives sur les réseaux sociaux. En général, ça se finit assez mal. Microsoft, oui, voilà. Qui est devenu néo-nazi en quelques minutes, en quelques heures. Parce qu'ils interagissent avec le grand public et qu'ils vont essayer de l'exploiter au maximum. Si Siri était directement accessible à tout un chacun par ce moyen, il aurait peut-être des difficultés. Là, il est sur votre téléphone, dans votre environnement, c'est un peu différent. Ensuite, il y a les agents conversationnels, et donc ça n'a rien à voir avec les botnets, mais on parle de chatbot, hein, c'est une terminologie proche. C'est un automate qui va discuter de façon plus ou moins naturelle. Et la recherche et les différents travaux tendent à rendre le langage aussi naturel que possible, l'interaction aussi naturelle que possible. Cela, c'est des outils de marketing, d'interaction avec les clients. Ils sont pas spécialement mis en réseau, ils interagissent avec des milliers de personnes, mais c'est une intelligence artificielle ou une intelligence programmée qui est sur un serveur centralisé. Aujourd'hui, Andrew Leonard, dans Bots, The Origin of New Species, définissait ces botnets comme la première espèce indigène du cyberespace. Vous êtes d'accord avec cette définition, Eric Frayssinet ? C'est quand même encore l'être humain qui est très présent sur Internet et qui se démultiplie. On s'en rend pas forcément compte, mais on crée des pseudos sur différents réseaux sociaux, on a plusieurs adresses de courrier électronique, etc. Notre présence individuelle, même si chez ceux qui utilisent assez peu Internet, va vite se démultiplier. Donc pour une personne, on va avoir 10 comptes, 20 comptes différents qui permettent d'interagir. L'avenir, oui, ce sera de plus en plus d'objets utiles connectés, d'objets dans les entreprises, d'objets dans les bâtiments, d'objets dans les villes qui vont s'interconnecter sur des réseaux qui seront ou pas directement en lien avec Internet. On peut imaginer que les voitures, par exemple, c'est d'ores et déjà le cas aujourd'hui avec un certain nombre d'expérimentations, communiquent entre elles pour s'avertir des risques et donc sécuriser votre progression sur la route. C'est une évolution qui est intéressante pour les usages et justement pour laquelle on doit faire attention aux risques sécuritaires associés. Jean-Yves Marion, il ne faut pas croire les chiffres qui disent qu'il y a aujourd'hui plus de robots sur Internet que d'êtres humains. Il y a différents chiffres, c'est des chiffres... Je ne m'avouerai pas m'aventurer sur les chiffres, le nombre de robots contre le nombre d'êtres humains, c'est un sujet extrêmement, extrêmement délicat, mais je voudrais rebondir sur ce que disait Eric sur ces bots. Effectivement, si on connecte plein de bots ensemble avec les nouveaux algorithmes, en particulier les algorithmes d'IA qui voient le jour et qui sont de plus en plus précis quant au modèle de prédiction. D'intelligence artificielle, à la fois on a les applications, on va dire, relativement positives, des voitures connectées et ainsi de suite, mais on peut aussi imaginer que du côté des botnets malveillants, on a une utilisation similaire de ces algorithmes d'intelligence artificielle à des fins qui nous restent encore à imaginer. On peut très bien imaginer effectivement ces algorithmes qui travaillent ensemble afin de faire quelque chose. On a déjà des exemples qui est par exemple le cryptominage, puisqu'on va utiliser des ressources partagées de telle manière à faire quelque chose qui est là, soit de jeter ou de spéculer sur des crypto-monnaies. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h15, dans la méthode scientifique, nous parlons des botnets tout au long de cette heure. Alors, quand on dit, quand on sort ce chiffre qui est effectivement discutable, qui est une estimation, mais qui nous donne quand même un peu des ordres de grandeur, c'est-à-dire qu'il y aurait aujourd'hui un peu plus, 51,8%, un peu plus de la moitié du trafic internet qui serait généré par des robots. On ne parle pas uniquement des robots malveillants, on ne parle pas uniquement des bad bots, on parle aussi des robots tout à fait neutres qui peuvent servir justement à la recension des sites internet, comme les robots de différents moteurs de recherche. On parle aussi des robots à usage commercial qui ne sont pas malveillants a priori, en tout cas. Ce dont nous allons parler aujourd'hui et dans la suite de cette émission, c'est essentiellement de ces bad bots, de ces robots malveillants. Nous en parlons avec Eric Frayssinet et Jean-Yves Marion. Alors aujourd'hui, à quoi servent-ils finalement ces bad bots, ces botnets malveillants? Quels sont leurs principaux usages, Eric Frayssinet? Alors, il y a un découpage qui est intéressant. Il y a ceux qui sont visibles et ceux qui ne sont pas visibles. Donc, ceux qui sont visibles, c'est ceux que vous évoquiez, qui font du bruit, qui font des attaques en déni de service, les rançons logicielles qu'on va voir sur son ordinateur, afficher un message et vous demandant de payer une rançon. Pour avoir accès à vos données, à votre disque dur, qui bloque votre ordinateur. Qui bloque votre ordinateur, exactement. Et puis, en réalité, toute une typologie de logiciels malveillants connectés en réseau, donc qui forment des botnets, qui sont beaucoup moins visibles. Donc, ils vont servir à faire de l'espionnage. C'est les moins nombreux, mais les plus problématiques quand même pour les entreprises et les administrations dans le monde. Ceux qui vont servir à collecter des données à caractère personnel et ensuite les revendre hein, pour les délinquants. À réaliser des actions collective, par exemple, des clics frauduleux sur des bannières publicitaires, donc pour apporter de l'argent à ceux qui les pilotent. Et ce qu'on note quand même, c'est dans les usages malveillants, ce qui motive les développeurs et ceux qui les mettent en œuvre, c'est essentiellement des motivations financières. Assez peu des motivations de revendications ou autres politiques, voilà, qui seraient exploitées. Ensuite, on peut faire un découpage en fonction des techniques qui sont utilisées, mais de façon générale, l'autre séparation qui est intéressante, c'est sur les volumétries. Mm-hmm. Il y a des botnets de taille très importante parce qu'ils ont besoin de puissance de calcul importante, qu'ils ont besoin d'une puissance d'attaque importante ou qu'ils ont besoin de toucher un nombre de personnes importantes, hein, le nombre d'ordinateurs sur lesquels on va collecter des données à caractère personnel, relayer des spams, etc. Et puis des botnets beaucoup plus petits, de la mise en réseau direct entre la victime et l'attaquant. Donc il y a toujours les mêmes types de stratégies qui sont utilisées. Hein. La victime a cliqué sur une pièce jointe, ça s'est installé sur son ordinateur et ça se connecte à un système de commande et de contrôle. Mais elle est peut-être la seule personne connectée à ce système-là. Là, c'est ce qu'on retrouve dans les opérations d'espionnage qui ciblent certaines entreprises ou les administrations. Les systèmes de commande et de contrôle, ce sont ces systèmes qui font que vous avez l'impression ou non d'avoir la main encore sur votre machine, mais qu'il y a quelqu'un ou pas. Vous, Jean-Yves Marion. Non, le système de commande et de contrôle, c'est celui qui possède, le groupe qui possède le botnet, qui opère ce système de commande et de contrôle et qui permet de contrôler le botnet. Par exemple, si le botnet Andromède, si on prend un exemple, qui a été démantelé relativement récemment, c'était un botnet qui louait ses services. C'est-à-dire que vous, entre guillemets, possédez ce botnet et vous louez chacun de vos bots pour quelque chose, pour une tâche particulière. Comme envoyer du spam, faire de voler les informations sur l'ordinateur de la personne ou sur le téléphone de la personne, et ainsi de suite. Et sur la volumétrie, effectivement, on peut atteindre des chiffres importants. Et si on continue sur cet exemple de botnet Andromède, on a parlé comme d'environ 1 million d'attaques bloquées par mois. Bloquées par mois, ça veut dire que celles qui ne sont pas bloquées, on ne sait pas. Vous voyez, c'est quand même des chiffres qui sont quand même importants, donc on voit une volumétrie importante. On imagine que de toute façon, il y a là aussi un enjeu économique de lutte contre les botnets qui est important. On parlera de la lutte et des instruments de lutte dans la deuxième partie de cette émission, mais on imagine la quantité de ressources, d'énergie que ça prend sur l'ensemble des communications qui sont faites sur le réseau en règle générale, Eric Fraissinet. Honnêtement, ce qui est plus inquiétant, c'est le détournement des données, c'est la vie privée qui est détournée, etc. Sur le détournement de ressources, oui, en particulier lorsqu'on parle de crypto mining, hein, comme l'évoquait tout à l'heure Jean-Yves. C'est-à-dire de minage de crypto-monnaie. Hein. Exactement. Voilà. Là, on exploite effectivement une partie importante de la puissance de calcul, et donc grosso modo, une partie de la consommation électrique, etc. des victimes. Donc là, ça peut avoir de l'importance. Mais c'est essentiellement les pertes financières et les pertes en vie privée ou en confidentialité qui sont les plus importantes. Aujourd'hui, où est-ce qu'on trouve ces bad bots? Quels sont les modes opératoires? Est-ce qu'il y a une sorte de typologie qu'on peut effectuer, Jean-Yves Marion? Il y a des méthodes, des techniques? Est-ce que c'est systématiquement, on entend beaucoup dire, vous avez cliqué sur un lien que vous avez reçu en mail, ça arrive, mais bon, il y a tout de même des appels à la vigilance. Aujourd'hui, une vigilance qui est peut-être plus accrue qu'elle ne l'était il y a une dizaine d'années. Il y a d'autres techniques. On disait, il y avait des chercheurs brésiliens qui disaient que les botnets, ça se raffinait de plus en plus, qu'il était de plus en plus difficile, par exemple, notamment sur des impersonators, sur des réseaux, un peu sur des botnets imposteurs, de distinguer un botnet d'une personne réelle. Ah, il y a plusieurs choses dans votre question. Hein. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses dans votre question. Elle est multiple. Hein. Multiple tiroirs. Tout d'abord, comment on fait pour inciter, pour provoquer le fait que votre ordinateur va être infecté, ben c'est ce que l'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut inciter la personne, en général, à cliquer sur un lien, à ouvrir un email ou à insérer une clé USB ou quelque chose. Et ça, ben, les techniques, on les connaît, elles sont redoutables. Hein. C'est plutôt des techniques liées à la psychologie de l'être humain. Et je pense que si Eric et moi, on s'y mettait, on devrait pouvoir... faire une démonstration d'attaque sur France Culture sans aucune difficulté par les techniques d'ingénierie sociale. Ça n'a aucune difficulté aujourd'hui. Par exemple, voilà. Expliquez-moi à quoi ça ressemblerait. Par exemple, on laisse traîner une clé USB dans ce studio et je suis sûr que quelqu'un va la prendre et l'insérer pour voir ce qui se passe. Trop tard, on aura pris possession de sa machine. C'est un exemple. Par exemple, au laboratoire, on construit de temps en temps, on est obligé un peu pour comprendre comment fonctionne, on construit des attaques, donc on construit des codes malveillants qui sont la première pierre de construction d'un botnet, puisqu'à partir de là, on va pouvoir se connecter un commandant de contrôle, ainsi de suite. Donc il faut d'abord rentrer, faut percer la défense. On en fait régulièrement et ils sont tout à fait indétectables. Ça n'a pas de difficulté. Il y a des méthodes un peu plus insidieuses qui sont assez répandues, notamment la pollution de bannières publicitaires a priori légitimes, c'est-à-dire qui s'affichent sur des sites web légitimes. La modification aussi du contenu de certains sites web légitimes. Peut-être vous avez un blog et si votre blog est mal sécurisé, on peut le modifier et tous vos visiteurs... tous les jours, quand ils viendront visiter votre blog, leur ordinateur sera testé pour les différentes vulnérabilités du moment. Donc, y a des méthodes encore plus discrètes et pas forcément besoin d'une véritable interaction de l'utilisateur. Tout à l'heure, j'évoquais les verres. Pour une partie des ordinateurs, ce sera le cas. Tous ceux qui sont directement accessibles sur Internet, typiquement beaucoup d'objets connectés, vont se positionner à l'extérieur de votre réseau et donc être accessibles depuis l'extérieur et pouvoir être affectés par un verre. L'exemple qu'on a vu, c'est celui de WannaCry avec la faille qui s'appelle Eternal Blue, où là, effectivement, c'est une faille logicielle du système d'exploitation quelques versions du système d'exploitation Windows qui ont été exploitées de telle manière à attaquer un ordinateur sans que l'utilisateur en ait connaissance. Et alors justement, ça c'est pour rentrer directement dans les machines. Le lien, parce que on comprend bien que c'est pas tout à fait le même type de fonctionnement vis-à-vis des réseaux sociaux. Quand Facebook dit qu'il supprime 800 millions de comptes qui sont des bots, quand Twitter lutte aussi également, comment est-ce que ce sont d'autres portes d'entrée, est-ce que ce sont d'autres failles qui font que quand à un moment donné on voit passer un tweet, on clique sur le tweet et du coup on expose notre ordinateur à un risque, Eric Fraissinet? Alors, ça peut être effectivement un vecteur de diffusion. On en a vu des comptes qui étaient détournés ou fabriqués pour dialoguer avec des personnes en message privé ou autre, et qui exploitent certaines fonctionnalités des réseaux sociaux. Par exemple, vous pouvez visiter une page et habituellement, vous devez cliquer sur « like », apprécier, aimer, pour que ce soit repris sur votre page Facebook. Bah, certains camouflent ce bouton « like » derrière un autre bouton. Et donc là, vous vous retrouvez à apprécier un contenu que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas affiché, qui est masqué sur la page. Et ce contenu invite vos lecteurs cliquer sur une page. Et donc c'est vous qui devenez votre compte de réseau social qui devient une sorte d'agent, simplement parce que vous avez cliqué. Et il n'y a pas de logiciel malveillant derrière, si ce n'est celui qui fait tourner le site web du délinquant. Ensuite, les bots que vous évoquiez qui peuvent... aussi propager des informations sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup ces comptes mis en réseau volontairement par ceux qui les créent et qui reproduisent les mêmes contenus. Et ce sur quoi luttent beaucoup les entreprises de réseaux sociaux aujourd'hui, c'est la détection de ces comptes. Ils ont des pratiques qui sont détectables justement par un petit peu d'analyse de données, d'intelligence artificielle, pour voir qu'ils agissent en masse et qui sont en réalité sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Mais il y a bien un intervenant humain qui est peut-être payé d'ailleurs pour créer le faux compte, créer le faux profil et l'associer à cette mise en réseau et diffuser de l'information. Ça peut être les fake news, les fausses informations dont on parle beaucoup. Ça peut être aussi la diffusion de contenus publicitaires ou la diffusion de contenus qui vous amènent vers des escroqueries. Il y a tout un tas de schémas différents. la part d'implication justement de ces botnets dans la diffusion, on a beaucoup entendu parler hein, de ces fake news. Éric Fraissinet disait tout à l'heure, l'essentiel des détournements sont tout de même des escroqueries à but commercial, d'enrichissement, de collecte de données, moins pour le versant plus politique de ce type d'attaque, Jean-Yves Marion. Oui, effectivement, ces attaques, donc, essentiellement visent, par exemple, à faire des vols de données, hein. Donc, on en a parlé, des données personnelles, mais aussi des données financières. Et aussi, de plus en plus, on voit des données de santé. Maintenant, au niveau, par exemple, des fake news, souvent, on a quand même des acteurs humains qui sont directement derrière. Quelque chose que c'est très important, sur lequel il faut insister, c'est les aspects espionnage. Puisqu'il existe des codes malveillants qui sont connectés à un botnet ou à quelques. Qui sont enfin, très petits, très peu visibles, qui passent en dessous de tous les radars et qui permettent à la fois de voler de l'information et on peut imaginer, toujours si on se projette un tout petit peu, altérer l'information qui se trouve sur une base de données à l'insu, une fois de plus, des utilisateurs potentiels. Pourquoi est-ce que les réseaux sociaux sont des cibles privilégiées à ce point-là des botnets, Eric Fraissinet ? Alors c'est un moyen de propager des messages et donc des relais pour les escroqueries, les clics vers les téléchargements de logiciels malveillants, etc. En fait, l'utilisation d'un moyen de communication, ça peut être une adresse de courrier électronique aussi, c'est un outil aussi de confiance. C'est-à-dire si votre adresse est détournée, elle va diffuser insidieusement et peut-être sans que vous le sachiez. Hein, vous avez toujours le contrôle, mais de temps en temps, elle diffuse des messages que vous ne voyez pas ou que vous ne prenez pas le temps de vérifier vers vos contacts. Et il y a beaucoup de comptes de messagerie électronique qui sont détournés pour réaliser des escroqueries, rediffuser des virus. Ça, c'est un mécanisme assez important. Sur les réseaux sociaux, on le voit moins maintenant, ces mécanismes de rebond par les contacts, puisqu'il y a eu des systèmes de lutte qui ont été mis en place assez efficaces par les entreprises de réseaux sociaux. Ce qu'on comprend dans ce que vous nous dites l'un et l'autre, c'est que l'interaction, enfin le geste, l'agent humain pour finalement intégrer, pour que ce botnet puisse intégrer nos équipements, nos ordinateurs, etc., il n'est pas systématiquement nécessaire. On peut finalement se faire infecter ou avoir une partie de notre matériel qui est mis à la disposition du botnet sans pour autant qu'on ait forcément cliqué sur une pièce jointe, sans qu'on ait fait un acte de faiblesse ou introduit une clé USB que vous avez laissé traîner dans le studio, par exemple, Jean-Yves Marion. Oui, tout à fait. L'exemple typique est celui de WannaCry avec cette faille qui s'appelle Eternal Blue. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a un ordinateur ou un objet connecté qui est sur le réseau, accessible par l'attaquant, et qu'il est connecté avec un protocole qui a un bug, hein, et que ce bug est exploitable, l'attaquant va pouvoir l'exploiter, infiltrer l'ordinateur et l'infecter par un code malveillant qui ensuite va se connecter à un réseau, à un commandant de contrôle, peut-être se mettre à jour et puis provoquer une attaque comme celle qu'on a décrite. Il y a des attaques aussi de type de l'homme du milieu, de man in the middle. C'est pour ça qu'on vous recommande de faire attention lorsque vous connectez sur des réseaux Wi-Fi librement accessibles, sur lesquels il y a pas de sécurité. On peut se mettre en interception sur ces réseaux, en interagir avec votre connexion et remplacer le contenu que vous affichez par des contenus malveillants qui vont venir attaquer. Donc vous visitez Google, Quant, etc., vos moteurs de recherche, et puis à l'intérieur du code est injecté du code malveillant qui va tester vos vulnérabilités. Et donc ça, c'est pareil, on visite un site légitime et on ne voit pas l'attaque. You're crazy. We Love Really Hurts Without You de Billy Ocean sur France Culture à 16h35. Ce qui n'a rien à voir avec notre sujet du jour, mais ça nous faisait plaisir d'écouter ce morceau puisque nous parlons des botnets tout au long de cette heure. Nous en parlons avec Eric Fraissinet, qui est chef de mission numérique de la Gendarmerie nationale et docteur en informatique, et avec Jean-Yves Marion, professeur à l'Université de Lorraine, membre de l'Institut universitaire de France, directeur du LORIA également, le laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications. Alors on comprend mieux, suite à cette première partie d'émission, les enjeux économiques, technologiques et éventuellement politiques également pour lutter contre ces botnets. Une entreprise française s'est lancée il y a quelques années dans cette lutte acharnée. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes rendu dans les locaux de Datadome pour comprendre eh bien, comment s'organise cette guerre. Oui, j'ai rencontré Fabien Grenier qui, avec Benjamin Fabre, a fondé Datadome en 2015. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant de mener la chasse aux bots nocifs, ces deux entrepreneurs ont commencé avec une entreprise qui créait des bots bien légaux, eux, mesurant la popularité sur les réseaux sociaux des entreprises qui sollicitaient leurs services. En créant des bots, ils ont pris conscience des enjeux de sécurité, notamment de sécurité économique liés aux bots nocifs, et ils se sont lancés dans la traque à ces robots, la traque de ces robots malicieux. Fabien Grenier nous explique donc comment ils ont développé leur algorithme qui non seulement traque les bots nocifs, mais permet aussi à leurs clients de faire le tri avec les bots légaux. Donc ce sont des robots qui vont tenter de se faire passer pour des êtres humains et voler des données personnelles. Donc c'est le gros sujet du RGPD qui a animé énormément de sites l'année dernière et qui continue à occuper beaucoup de monde. Et la CNIL notamment, puisque je crois qu'il y a eu 742 notifications depuis le 25 mai, date de la mise en application du RGPD. Donc 742 notifications relatives à des fuites de données, c'est 33 millions d'utilisateurs qui sont concernés. Donc c'est assez considérable. Dans la plupart des cas, ce sont des robots qui sont à l'origine de ces fuites de données, puisqu'ils sont capables de récupérer des adresses mail, des mots de passe qui ont fuité, et de les réutiliser en se faisant passer pour des êtres humains et ensuite faire des dégâts énormes lorsqu'ils sont sur les comptes privés des utilisateurs. Alors quel type de dégâts on peut envisager par exemple ? Eh bien sur, par exemple, des sites de paris en ligne, sur des sites e-commerce, sur des sites de transport où il y a des systèmes de crédit, ils sont capables donc d'aspirer toutes les données personnelles, les données bancaires, donner des cartes de crédit, ils sont capables de solder des comptes vers des paradis fiscaux. Et ensuite, lorsqu'ils ont ces données personnelles, elles peuvent être réutilisées par d'autres entreprises à des fins parfois discutables. S'il y a des bad bots, des robots nocifs sur Internet, c'est que il y a des failles. Alors, quelles sont les vulnérabilités que vous ciblez et que vous essayez de combler ici chez Datadome ? Si on parle des bots aujourd'hui, c'est qu'ils ont considérablement évolué au cours des 12-18 derniers mois. C'est-à-dire qu'il était assez facile de les détecter à ce moment-là avec des briques classiques de sécurité telles que des web application firewall. Pare-feu, des choses comme ça. Exactement. Aujourd'hui, il y a un tel enjeu au niveau de la data que ces hackers ont énormément travaillé sur les robots, sur de nouvelles technologies et les ont utilisées pour se rapprocher au maximum du comportement d'un être humain. Très concrètement, ils sont capables, par exemple, d'utiliser de véritables navigateurs et de les animer avec des lignes de commande. Donc, du point de vue d'un éditeur, d'un site e-commerce, par exemple, qui n'est pas équipé, il va servir ce robot comme un être humain. Si on reste un petit peu dans la métaphore de la chasse, à partir de quel moment vous flairez un bad bot ? À partir de quel moment une trace vous met sur la piste du bad bot et vous fait vous dire, là, on en tient ? Comme je vous le disais, les robots sont de plus en plus évolués, ils se rapprochent du comportement humain et puis ils bénéficient d'un deuxième élément, c'est l'explosion du cloud computing, donc de cette possibilité de distribuer en fait ces algorithmes sur énormément de centres serveurs à travers le monde. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'avoir un comportement très très subtil en avançant comme des êtres humains et on n'a pas d'autre choix que de développer une intelligence artificielle qui permet de faire de l'analyse comportementale en temps réel. Donc c'est bien en suivant leur comportement et en le comparant à celui d'être humain qu'on est capable de détecter en quasi temps réel dès les premières requêtes ces robots illégitimes. Quel type de groupe d'entreprises vont solliciter vos services pour justement se prémunir des bots nocifs ? Trois grandes familles, ce sont les e-commerçants, les places de marché, qui vont avoir besoin d'avoir une offre unique, donc s'assurer que lorsqu'ils mettent un nouveau produit, une nouvelle offre en place, ce ne soit pas immédiatement aspiré et répliqué sur des dizaines de milliers de bases de données dans le monde. Ça peut être aussi des sites commerçants qui souhaitent avoir la meilleure performance possible pour améliorer le nombre de pages vues, pour améliorer les taux de transformation. Et pour cela, ils ne souhaitent pas être ralentis par ces robots qui sont parfois assez agressifs. On va avoir par exemple les sites médias qui souhaitent évidemment protéger le contenu produit par leur rédaction, et il y a énormément de sociétés qui viennent se servir pour ensuite générer de la valeur sur ce contenu. On pourrait imaginer évidemment tous les services, les banques assurances, qui souhaitent être certains que les données et que les assets de leurs clients soient bien protégés, donc en protégeant les pages d'accès à leurs services. Donc c'est un diagnostic qui permet à nos clients d'évaluer, de mesurer l'impact de ce trafic illicite sur leur sécurité et leur business. Et donc ils vont pouvoir disposer d'indicateurs clés comme la part d'infrastructure gaspillée par ce trafic illégitime. Ils font souvent pas la part des choses entre un être humain légitime et un bot illégitime qui en plus leur veut du mal. Donc ils vont pouvoir les neutraliser et ils vont pouvoir également adresser 100% de leurs ressources à du trafic légitime. Ils vont pouvoir observer le nombre de pages volées par des concurrents, par des acteurs de l'écosystème qui s'intéressent à leur activité. Ils vont pouvoir observer le nombre de tentatives d'intrusion par des robots qui disposent d'identifiants et de mots de passe volés et qui tentent donc d'aspirer les données personnelles de leurs utilisateurs. Et ils vont pouvoir observer le nombre de tentatives d'attaque sur leurs applicatifs. Donc c'est souvent des robots qui tentent de ralentir ou d'interrompre les services. Ils vont pouvoir ensuite entrer dans le détail entre les bons robots, les mauvais robots, les robots commerciaux, leur évolution au cours du temps. Et ensuite, donc, on va nommer les robots et on va pouvoir observer, par exemple ici, Googlebot, observer le nombre de fois où les robots sont passés, quelles sont les pages qu'ils ont vues, combien de temps ils sont restés, l'activité de Bing, qui est le moteur de recherche de Microsoft, par rapport à Google, par rapport à Yahoo, par rapport à Yandex, il y a aussi tous les moteurs de recherche internationaux. On va voir Facebook, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, qui sont très actifs aussi. On va voir des business ensuite alternatifs dans les robots commerciaux. Et ensuite, dans les bad bots, après les avoir détectés, on va les catégoriser en fonction des menaces. Donc ceux qui aspirent le contenu massivement en ayant un impact sur les performances, donc les fameux impersonators qui tentent de se rapprocher des êtres humains pour se connecter à leur place. Vous allez avoir les hackers qui tentent d'aller pénétrer les applicatifs pour faire tomber les sites. Donc ça permet de disposer d'écrans de contrôle, de s'assurer que tout fonctionne bien, de pouvoir créer des exceptions, ses propres règles, de pouvoir whitelister ses partenaires. Certains de nos clients considèrent certains robots comme des clients à part entière, puisque c'est parfois aussi des opportunités business, des synergies qui se créent en découvrant tout ce trafic automatisé a priori invisible. Là, oui, voilà, vous ramenez un petit peu de transparence aussi dans toutes ces circulations-là et dans tous ces flux-là. Exactement. Ça permet à nos clients de reprendre un véritable contrôle de leur trafic, de tout leur trafic. Voilà le reportage du jour sur cette société Datadome. Peut-être une réaction l'un et l'autre. Je vous voyais prendre des notes, Jean-Yves Marion. Oui, c'est une société qui propose une méthode de lutte contre les botnets en regardant leur comportement, et en particulier leur comportement réseau. C'est une approche extrêmement intéressante. Il y a d'autres approches que de regarder le trafic réseau, hein, parce que ce qu'ils font, c'est, pour simplifier, hein, mais sans sous-estimer leur produit, hein, c'est d'écouter ce qui se passe sur le réseau et d'en déduire en fonction de plein d'informations, de quels sont les types de requêtes, si oui ou non c'est un bot malveillant ou bienveillant. Il y a d'autres approches, hein, donc si on parle de la lutte, hein, je pense que c'est un peu ça maintenant la deuxième partie de l'émission, donc lutte, défense, etc. Donc, je pense qu'avant de parler de la défense, donc après quand on va chercher donc le problème des antivirus, savoir est-ce que vous avez un bot sur votre ordinateur sur lequel vous tapiez tout à l'heure, ou bien sur mon téléphone que j'ai là à côté, on va utiliser des systèmes dits d'antivirus pour savoir si oui ou non il y a un code malveillant qui va se connecter à un botnet ou à un élément directement du bot. Et la difficulté, c'est que ces codes malveillants sont bien programmés. ce sont des gens qui ont fait des bonnes écoles ou des grandes universités dans le monde entier qui les font et qui savent protéger contre les analyses à la fois humaines et les analyses de nos outils automatiques, leurs actions et leurs comportements. Alors, des systèmes de protection, il y en a beaucoup. On peut utiliser du chiffrement, hein, et en France, on est extrêmement fort, hein, en chiffrement, donc c'est-à-dire en cryptographie. Hein, il y a un groupe du CNRS qui s'appelle le GDR Sécurité qui travaille beaucoup là-dessus. Mais aussi, on peut utiliser de nouvelles méthodes de programmation, ce qu'on appelle par exemple des programmes automodifiants, c'est-à-dire que c'est un programme qui va se modifier au fur et à mesure qu'il va s'exécuter. Et puis, donc, au départ, il va ressembler par exemple à un simple jeu. Puis au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'il ne fait pas que vous amuser, mais qu'il fait autre chose, qu'il va voler des informations ou renvoyer des spams ici ou là. Éric Fraissinet, puisque vous êtes chef de mission numérique à la Gendarmerie nationale, comment est-ce qu'on lutte à l'échelle d'un État contre ces botnets malveillants ? Alors on essaie de les comprendre. C'est important, les travaux des chercheurs dans le monde académique, dans le monde privé aussi, hein, on parlait d'entreprises de sécurité, c'est des acteurs importants dans le domaine de la lutte contre les logiciels malveillants. Et on dialogue avec eux, on essaye de comprendre et d'apprendre les méthodes des délinquants, comme l'évoquait Jean-Yves, et pour essayer de détecter, donc quand c'est possible dans les réseaux, de susciter la remontée d'informations et le partage d'informations entre les acteurs. C'est le rôle des CERT, des Computer Emergency Response Team, qui échangent de l'information, notamment vers les acteurs qui sont les plus à même de réagir. Par exemple, si un logiciel malveillant est diffusé depuis les serveurs d'un hébergeur en particulier, en France, à l'étranger, l'informer rapidement pour qu'il retire la menace, qu'elle ne soit plus diffusée, qu'il conserve les traces pour une enquête judiciaire. Puis évidemment, il y a l'action judiciaire et technique de compréhension des attaquants. Donc extraire les traces du logiciel malveillant, des réseaux, des machines qui ont été infectées pour retrouver la trace de l'attaque, comprendre d'où elle est venue et comprendre d'où elle est pilotée. Ça peut être deux directions complètement différentes. Il y a aussi des méthodes de rémédiation, de blocage, pour empêcher la menace de se propager au sein de l'organisation, au sein des réseaux d'un pays. Et ça va de informer le public dans son ensemble pour se mettre à jour rapidement, à prendre des mesures techniques sur les réseaux pour bloquer certaines attaques. Est-ce que dans ce domaine, on a fait déjà quelques émissions consacrées à la cybercriminalité, est-ce que dans ce domaine, les États aujourd'hui ont les moyens d'être les seuls acteurs de la sécurité ? Est-ce qu'il faut absolument, au contraire, travailler en coopération avec les acteurs privés, avec les acteurs académiques ? Est-ce que c'est un effort conjoint ou est-ce qu'aujourd'hui les États ont les moyens de lutter seuls contre ce type de cybercriminalité, Jean-Yves Marion ? Aujourd'hui, je pense que il faut combiner toutes les forces, c'est-à-dire qu'effectivement, les États sont des acteurs extrêmement importants, hein, majeurs, mais aussi les acteurs privés. Pour s'en convaincre, il suffit de voir que tous les fournisseurs d'accès sont privés, donc ils sont absolument nécessaires. Et aussi, je pense, la recherche académique. On ne peut pas, sur des sujets aussi sensibles, parce que ça touche toutes nos infrastructures numériques, hein, on a parlé, communication, transport réel, hein, métro, ferroviaire, etc., mais aussi bien à votre vie comme citoyen. On parle de système électronique de vote. Il faut absolument qu'il y ait une recherche publique qui puisse donner son avis et avoir des audits sur nos systèmes de sécurité. C'est-à-dire que cette idée reçue, courante, selon laquelle les cybercriminels ont toujours un coup d'avance en matière de technique, de développement, de code par rapport aux acteurs institutionnels qui sont plus lents et qui sont finalement, qui courent toujours un peu après la locomotive, elle est vraie, elle est fausse aujourd'hui, Éric Fraissinet ? Ça dépend où on se place. De toute façon, avant qu'on puisse le détecter, hein, sauf à ce qu'on l'espionne en permanence, le délinquant, il a travaillé, il a préparé le virus, il a commencé à le diffuser. Et l'idéal, ce serait qu'on le détecte au moins quand il commence à le diffuser ou quand il commence à discuter avec ses autres collègues sur Internet pour acheter tel morceau de virus, pour l'ajouter à tel autre. Idéalement, il faut réagir à ce moment-là. Très souvent, on se retrouve à agir après, une fois que l'attaque effectivement déclenché, mais dans la compréhension aujourd'hui de la menace, hein, de la façon dont techniquement ça fonctionne, il n'y a pas de retard, que ce soit du côté de la recherche académique ou privée, ou du côté des compétences techniques des États. C'est dans le timing, en fait, hein, qu'on a du retard. On l'a vu sur différents exemples l'année dernière, des grosses attaques très visibles. En quelques heures, elles sont bloquées. Type WannaCry ? Voilà, exactement. En quelques heures, elles sont bloquées parce qu'il y a des mesures techniques qui sont prises, aussi bien par les États que par les acteurs techniques, les opérateurs notamment qu'évoquait Jean-Yves. Quelques heures, ça peut être assez long pour de la collecte de ça données. Ça peut être assez long, mais par rapport à des attaques qui durent plusieurs années, c'est quand même un gros progrès. Jean-Yves Marion. Bon, on a toujours des attaques qui sont parfois invisibles, qui peuvent durer sur plusieurs années et que l'on découvre après. Hein, je pense par exemple au vol d'informations sur Yahoo, qui ont été perçues, comprises, mais beaucoup plus tard. Ce que l'on voit aussi, c'est... Andromède, hein, qui a duré 9 ans, je crois. Andromède, qui a duré extrêmement longtemps. Et d'ailleurs, on peut un peu discuter d'Andromède, parce que c'est un botnet. Et dans le cas des botnets, on a effectivement les méthodes classiques qu'on a évoquées, c'est-à-dire analyse de ce qui se passe sur le réseau, et puis aussi les systèmes d'antivirus ou apparentés aux antivirus. Mais on peut aussi avoir une défense beaucoup plus active, c'est-à-dire finalement attaquer le botnet. Et là, on a des outils, par exemple au labo, donc au Loria. Il y a quelques années, nous avions recréé un mini-internet, si vous voulez, en vase clos, hein, complètement confiné. On ne l'avait surtout pas connecté. Un vrai faux internet, comme feraient les biologistes. On avait injecté un botnet qui existait, hein, qui s'appelait... Et on avait étudié son protocole de communication entre les différents bots, et on s'était infiltré dans le botnet, et à la fin, on avait fait une méthode maintenant qui est relativement classique, c'est-à-dire qu'on avait détourné toutes les communications du botnet vers notre système. Et donc, c'était nous, le botmaster. Et ainsi, on prend complètement possession du botnet et on peut le désinstaller. Comment on démantèle un botnet aujourd'hui, en quelques mots, Eric Fraissinet ? Alors, il y a l'exemple que donnait Jean-Yves à l'instant, ce qu'on appelle le sing-hauling en bon français, c'est-à-dire le détournement des communications du réseau lui-même. Sing-hauling, ça se traduit par trou d'eau, c'est ça ? C'est la bonde. C'est la bonde de l'évier, quoi. De l'évier, voilà, dans lequel s'écoule le trafic du botnet. Et donc là, c'est détourné vers ce trou qui est sous le contrôle de chercheurs privés, académiques ou des forces de sécurité. Ce qui est important, c'est une coopération rapide entre tous les acteurs, de l'échange d'informations pour bien comprendre la menace, permettre à l'action judiciaire d'avoir lieu, qui vient compléter ces actions techniques et in fine, idéalement, interpeller les auteurs. Hein, depuis que, par exemple, Europol a mis en place le centre de lutte contre la cybercriminalité EC3 à La Haye. Il y a eu énormément de progrès en Europe dans la lutte contre ces phénomènes. Parce que c'est souvent pas mal d'interpellations. Oui. Et c'est cette coopération policière, judiciaire. Hein, il y a le rôle en Europe d'Eurojust, des mandats d'arrêt européens et tout un tas d'autres outils qui permettent de travailler ensemble, et de la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité, qui est un outil juridique qui permet concrètement d'agir contre les délinquants. Et à 16h53, c'est déjà malheureusement la fin de cette émission, puisque comme tous les mercredis, nous retrouvons la recherche montre en main, c'est-à-dire que nous donnons la parole aux jeunes chercheurs et aux jeunes chercheuses qui feront la science de demain. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Camille Testard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse scientifique à l'université de Pennsylvanie. Vous êtes en première année de thèse. Vous travaillez sur la recherche en neuroéthologie chez le primate. On vous écoute. Bienvenue à la recherche montre en main. Oui, merci. Donc oui, comme vous le dites, je suis en doctorat en neuroéthologie. La neuroéthologie, c'est l'intersection entre les neurosciences d'une part et l'éthologie d'autre part. Et les neurosciences, c'est l'étude du fonctionnement biologique du cerveau. Et l'éthologie, c'est l'étude du comportement animal dans son environnement naturel. Et moi, je m'intéresse particulièrement aux origines du comportement humain. Et la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que nous, les humains, on agit de la manière dont on agit ? Évidemment, il y a plusieurs manières d'attaquer cette question. Et on distingue deux grandes familles de questions, les proximales et les ultimes. Les questions proximales reviennent à se demander que s'est-il passé dans notre cerveau ou bien au cours de notre développement pour qu'on agisse d'une telle manière plutôt qu'une autre. Et ensuite, on a les questions ultimes qui demandent quels ont été les événements qui se sont passés au cours de l'évolution de l'espèce humaine qui façonnent notre comportement actuel. Et là, c'est pourquoi on s'intéresse au comportement de nos cousins les plus proches dans l'arbre évolutif, qui sont les singes. Et plus particulièrement, dans le cadre de ma thèse, je fais de la neurophysiologie chez le primate, c'est-à-dire que j'enregistre l'activité électrique des neurones de leur cerveau. Et vous en avez déjà parlé à cette émission, mais je le rappelle, le langage de notre cerveau, il est électrique, et c'est ce langage que j'enregistre et que nous essayons de déchiffrer. Et pour ce faire, dans notre labo, on utilise des petites puces qui contiennent quelques centaines d'électrodes, et on les implante à la surface du cerveau des singes, donc sous leur boîte crânienne, et ce qui veut dire que la résolution de ces électrodes est très élevée, aux neurones près. Et si vous voulez, c'est un peu comme si j'étais capable d'enregistrer précisément tous les instruments d'un orchestre pour comprendre quel est le rôle de chaque instrument dans une symphonie. À l'inverse de la neuroimagerie qui permet d'enregistrer la symphonie, mais par contre elle permet pas de percevoir chaque instrument individuellement. Et d'ailleurs, ces puces c'est une technologie qui est aussi utilisée chez l'homme à des fins thérapeutiques pour des patients paralysés. Et donc l'innovation dans notre laboratoire, c'est que ces signaux neuronaux sont enregistrés directement sur une mini carte mémoire placée sur la tête du singe, ce qui veut dire que nos animaux sont complètement libres de leurs mouvements. Et avec cette technologie, on va enfin pouvoir étudier de près l'activité du cerveau lorsque les singes ont des comportements naturels, ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'à présent. Et en parallèle, on utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour suivre et mesurer automatiquement la posture et les mouvements précis effectués par les singes. Et on entre un peu dans l'ère de l'éthologie 2.0 ou du big data, dans lequel c'est plus l'observateur humain qui attribue un comportement plus ou moins subjectivement aux singes, mais c'est désormais un algorithme qui pourra détecter et surtout quantifier ces changements de comportement. Et il pourra peut-être même en découvrir de nouveaux, ce qui a été le cas chez les mouches drosophiles lorsque d'autres chercheurs ont utilisé cette même technologie. Et donc ces technologies combinées, la puce dont je vous ai parlé et l'algorithme, permettent d'explorer le cerveau des singes, qui est d'ailleurs très similaire au nôtre, à l'état naturel. Et ça, on pourra le faire à haute résolution neuronale et comportementale. Et donc moi, j'étudie particulièrement une espèce de primate, le macaque, qui se caractérise par une société extrêmement hiérarchisée. Et dans la troupe, tout le monde a sa place. Cette position hiérarchique influence vraiment comment chaque singe va se comporter dans une situation donnée. Et la question que je me pose, c'est lors d'une interaction sociale entre deux individus qui sont donc complètement libres de leur mouvement, ce que nous permet ce nouveau paradigme, comment est-ce que la position hiérarchique du partenaire influence d'une part le comportement de l'individu et d'autre part l'activité électrique de son cerveau? Et plus particulièrement, comment est-ce que la prise de décision est influencée par le contexte social hiérarchique? Et pour le moment, j'en suis au développement technologique et conceptuel de ce nouveau paradigme. Mais je pense qu'il permettra d'une part d'ouvrir tout un nouveau champ de possibilités pour l'étude du cerveau du primate et d'autre part de vraiment améliorer les conditions de vie des singes qu'on étudie, ce qui d'un point de vue éthique est très très important à mes yeux. Merci beaucoup Camille Testard, on ne voulait pas faire de lien entre vos travaux et l'émission du jour parce que sinon ça donne la prise de contrôle par un pirate informatique et un botnet des puces implantées dans le cerveau des singes et ça fait un film d'horreur dont on n'a pas envie de connaître le résultat. Merci en tout cas d'être venu nous présenter vos travaux, merci Jean-Yves Marion, merci Eric Fressin d'être venu nous parler des botnets dans cette émission, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lezenne, Antoine Beauchamp, Éléonore Pérez, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Ève Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, Alex Dang à la technique. Demain, nous remonterons à la source d'un célèbre mathématicien qui en fait n'en était pas un mais plusieurs. Nous vous raconterons l'histoire de Nicolas Bourbaki demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.